système nous a pris. Enfermés, condamnés, des années de son prix. Avec du recul qui passe pour la victime. En vitrine après un crime, le temps passe et la daronne déprime. À qui la faute si tu sais pas faire tes affaires? Si t'arrives pas à terre et que tout marche de travers. Entouré de parasites, dehors ça baratine. Méfie-toi des traites, les problèmes par la racine. Mentalité de crapule, abonné au silence. Tout le monde court après ça, tu n'erres que le mal qui finance. Qu'est-ce que la rue t'a donné pour que tu lui accordes l'intérêt? Les bouffons ils t'ont donné et les traites ils veulent t'enterrer. Qu'est-ce qu'elle t'a donné pour que tu baisses ton pantalon? Pour que tu baisses tes pantalons? Pour que tu testes, t'as pas le talent. Tu joues les baisses mais t'as que ta langue. Un mauvais geste et elle t'allonge. La rue t'agresse, goûte ses phalanges. Elle prend ce qui te reste comme un challenge. C'est pour les frères qui boivent la fusil à pompe dans le jean. Assume la patate, on peur d'insulter. C'est pour les frères qu'on bat ta fin pied dans le jean. M'attaque, qu'attendre pas que tu combattes. C'est pour les frères qui boivent la fusil à pompe dans le jean. Assume la patate, on peur d'insulter le jean. C'est pour les frères qu'on bat ta fin pied dans le jean. M'attaque, qu'attendre pas que tu combattes. Pas un jour d'extase, une de coke ou de cannabis. Laisse aucun indice, prends la maille et reste assis. Un milieu de bâtard ou de pute comme le bois de Vincennes. Là où les gens parlent trop devant les keufs, ils sont passifs. La maille circule plus de spi qu'une canne B. Mais croyez à ton cas, faut se préparer à bien tomber. La joue facile comme une chienne, ça se travaille. Faut avoir les couilles qu'il faut quand il s'agit d'aller plomber. Bam, les rodcars, des caisses, des faux bifetons, des petits cons qui veulent test. Des gosses qui allongent des titons. Pareil la santé, c'est plein de types qui ont la dalle. Plein de flics au VIP, mais aussi de pics graveurs de chichons. Bam, bam. Ça roule dans Paname, des CBR en roue à vaux, tenu grâce à de la crème. Chacun son taf, nous on vient de la rue. L'économie parallèle, on la manie comme de la femme. C'est pour les frères qui boivent la fusil à pompe dans le jean. Assume la patate, on peur d'insulter le jean. C'est pour les frères qu'on bat ta fin pied dans le jean. M'attaque, qu'attendre pas que tu combattes. C'est pour les frères qui boivent la fusil à pompe dans le jean. Assume la patate, on peur d'insulter le jean. C'est pour les frères qu'on bat ta fin pied dans le jean. M'attaque. La fusil à pompe dans le jean. C'est pour les frères qu'on bat ta fin pied dans le jean. C'est pour les frères qui boitent la fusil à pompe.